Mort ou vivant, par Mark Twain. Je passais le mois de mars 1892 à Menton, sur le littoral de la rivière de Gênes. Dans cet endroit retiré, et dans une solitude relative, on jouit de tous les avantages qu'à quelques kilomètres de là offrent Nice et Monte Carlo, au milieu de leur foule cosmopolite. On y a le même soleil, le même air balsamique, la même mer bleue, à l'abri du coudoiement, du bruit, des embarras de ses semblables. Menton est une petite ville tranquille, simple, reposante, sans prétention. Les gens riches et fastueux n'y viennent pas. Ils n'y viennent pas d'ordinaire, veux-je dire, car on y en rencontre parfois quelques-uns, et précisément, j'avais fait la connaissance de l'un d'eux. Pour ne pas trahir son nom, je l'appellerai simplement Smith. Un jour donc, pendant que nous déjeunions à l'hôtel des Anglais, il me dit tout à coup « Bitte, regardez cet homme qui sort d'ici, rappelez-vous bien ses traits ». Pourquoi ? Savez-vous qui c'est ? Oui. Il était ici depuis plusieurs jours quand vous êtes arrivé. C'est un vieux fabricant de soie de Lyon, retiré et très riche, à ce qu'on dit. Et je présume qu'il doit être seul au monde, car il paraît toujours triste et rêveur, et ne parle à personne. Il s'appelle Théophile Magnan. Je supposais que Smith allait m'expliquer maintenant l'intérêt qu'il semblait prendre à ce monsieur Magnan, mais au lieu de cela, il tomba dans une profonde rêverie et parut pendant quelques minutes m'oublier, moi et l'univers entier. De temps en temps, il passait la main dans sa chevelure argentée, comme pour aider à sa pensée, et laisser refroidir son déjeuner. Enfin, il me dit « Non, décidément, je l'ai oublié. »« Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que vous ne pouvez pas vous rappeler ?» C'est un de ces délicieux petits contes de Hans Andersen. Je ne m'en souviens plus. C'était quelque chose comme ceci. Un enfant avait dans une cage un oiseau qu'il chérissait, mais qu'il négligeait étourdiment. L'oiseau chantait sans qu'il l'entendît et sans qu'il s'en aperçût. La faim et la soif finirent par venir à bout de la pauvre petite créature. Son chant devint faible et plaintif, et finalement, l'oiseau mourut. L'enfant sentit son cœur bourrelé de remords, versa des torrents de larmes et appela ses compagnons. Ils ensevelirent l'oiseau avec pompe et d'amers regrets, ne sachant pas, les pauvres petits, qu'il n'y a pas que les enfants qui laissent mourir de faim les poètes pour leur faire ensuite de magnifiques funérailles. Et leur élever des monuments dont le prix aurait suffi pour soutenir leur existence et les rendre heureux. À présent. Mais ici nous fûmes interrompus. Ce soir-là même, vers les 10 heures, je rencontrai Smith, et il m'invita à monter au salon pour fumer avec lui et boire un grog. C'était un lieu bon pour la causerie, dans des sièges confortables, sous la lueur claire des lampes et devant un feu vif et brillant de bois d'olivier. Et ce qui ajoutait encore au bien-être, c'est qu'on était bercé par le bruit des vagues de la mer au dehors. Après avoir absorbé un second grog et nous être laissé aller à une conversation à bâton rompu, Smith me dit « Maintenant nous sommes à l'aise. Moi pour vous raconter une curieuse histoire et vous pour l'entendre. Ça a été pendant longtemps un secret entre moi et 3 autres personnes. Mais à présent je vais briser le cachet qui la scellait. Êtes-vous bien pour m'écouter ? On ne peut mieux, allez. » Et voici ce que Smith m'a appris. Il y a de longues années, j'étais un jeune artiste, un très jeune artiste, et je parcourais les sites champêtres de la France, esquissant ça et là. J'avais été rejoint par 2 jeunes et charmants Français qui, comme moi, croquaient le paysage. Tous les 3, nous étions aussi heureux que pauvres et aussi pauvres qu'heureux, retenez ce dicton. Mes nouveaux camarades s'appelaient Claude Frère et Karl Boulanger, chers garçons, les plus heureux esprits qui rient à la pauvreté et joyeux en tout temps. Finalement, nous vîmes échouer dans un village de Bretagne, où un autre artiste, aussi pauvre que nous-mêmes, nous reçut et nous empêcha littéralement de mourir de faim. Il s'appelait François Millet. Quoi ? Le grand François Millet ? Le grand ? Il n'était pas plus grand alors que nous ne l'étions nous-mêmes. Il était inconnu jusque dans son propre village, et il était si pauvre qu'il ne pouvait nous donner à manger que des raves, et quelquefois même il n'y avait pas de raves. Nous devînmes vite amis tous les 4, amis passionnés, inséparables. Nous peignions de notre mieux, et tout ce que nous pouvions, mais nous en tirions le plus petit profit. Nous étions heureux ensemble, mais hélas, que des privations nous subissions. Nous vécûmes ainsi pendant 2 ans, mais enfin un jour vint où Claude nous dit « Mes amis, nous voici au bout. Comprenez-vous ? Absolument au bout. C'est une levée de bouclier universel. Il y a une ligue formée contre nous. J'ai parcouru tout le village, et c'est comme je vous le dis. Personne ne veut plus nous faire crédit d'un centime jusqu'à ce que nous ayons payé tout ce que nous devons encore. » Ces mots nous jetèrent un froid. Nous devînmes tout pâles en constatant que la situation était absolument désespérée. Il se fit un long silence, après quoi Millet soupira à voix basse. « Je ne vois rien, rien à faire. Suggérez-moi quelque idée, vous autres. » Il n'y eut pas de réponse, à moins qu'un morne silence ne soit une réponse. Karl se leva, marcha fiévreusement dans la pièce, et au bout d'un instant, « C'est une honte. Voyez ces toiles. N'y a-t-il pas là des piles d'une peinture aussi bonne qu'aucun homme en Europe en puisse faire ? Oui, je le dis, quel qu'il soit, et beaucoup d'étrangers, en passant par ici, l'ont dit comme moi, ou quelque chose de semblable. « Mais ils n'ont rien acheté, » murmura Millet. « N'importe, ils l'ont dit. Et ils ont eu raison. Voici ton Angélus, par exemple. Dis-moi. » « Mon pauvre Karl, mon Angélus, on m'en a offert 5 francs. »« Quand ? Quel est celui-là ? Où est-il ? Pourquoi n'as-tu pas pris ces 5 francs ? » ?»« Ne parlez pas non tous à la fois. Je croyais qu'il en donnerait plus, j'en étais sûr. Il le regardait. Et alors je lui ai demandé 8 francs. Et alors ? » ?»« Alors il m'a dit qu'il repasserait. » »« Tonnerre, qu'as-tu fait là, François ? » ?»« je sais, j'étais un vrai fou. Mes amis, je croyais faire pour le mieux, vous me l'accorderez. » »« sans doute, nous le savons. » Tu es un cœur d'or, mais ne recommence pas une pareille folie. Moi, maintenant je voudrais qu'on m'offrît un chou de mon tableau. Vous verriez ? Un chou ? Ne parle pas de cela. L'homme en vient à la bouche. Parlons de choses moins pénibles. Karl prit alors la parole. Mes enfants, dit-il, nos toiles manquent-elles de mérite ? Répondez. Non. Ne montre-t-elle pas, même, un haut mérite ? Dites. Oui. Un tel mérite que si on pouvait les signer d'un nom illustre, elles se vendraient à haut prix. N'est-il pas vrai ? « Certainement, ce n'est pas douteux. Voyons, je ne badine pas, n'est-ce pas vrai ? Mais sans doute. Nous ne badinons pas plus que toi, mais où veux-tu en venir ?»« À ceci, camarade, il faut qu'un nom célèbre soit attaché à ces peintures. » Tout le monde se tut subitement. Tous les visages se tournaient vers Karl. Quelle énigme était-ce que celle-ci ? Où était le nom célèbre à emprunter et comment faire cet emprunt ? Karl prit un siège et continua de la sorte. « Eh bien ?» J'ai une chose parfaitement sérieuse à vous proposer. Je n'en vois pas d'autre pour nous tirer de la misère, et je suis persuadé que c'en est un surmoyen. Je base cette appréciation sur de nombreux et antiques exemples historiques. Mon projet nous rendra tous riches. Riche, tu as perdu l'esprit. Pas le moins du monde. Riche, tu es fou. Qu'entends-tu par riche ? Riche à 100 000 francs. Il est fou. Je déclare qu'il l'est. Mon pauvre Karl, tu as subi trop de privations, lui dis-je. Elles t'ont fait perdre le sens. Karl, il faut prendre une potion et aller immédiatement au lit. Commençons par lui bander la tête et ensuite, silence, dit Millet, avec une apparente sévérité. Laissons-le s'expliquer. Karl, déroule-nous ton projet. Quel est-il ? Le voici. En manière de préambule, je vous demanderai d'abord de bien noter un fait que nous présente l'histoire. C'est que le génie de plus d'un grand artiste n'a été reconnu qu'après qu'on l'a laissé mourir de faim. On a vu cela si souvent que je ne crains pas de l'ériger en loi. Et cette loi, c'est que le mérite d'un artiste inconnu ne devant briller qu'après sa mort, ce n'est aussi qu'après sa mort que ses œuvres atteindront un haut prix. Voici donc mon projet. Nous allons tirer au sort quel est celui de nous qui doit mourir. Cette sortie fut faite d'un ton si calme, et nous l'attendions si peu, que nous nous en montrâmes à peine émus. Puis s'éleva un cœur tumultueux de bons conseils sur l'état de la cervelle de Karl. Mais lui attendit patiemment que notre hilarité se fût calmée, et reprenant l'exposition de son projet. Oui, l'un de nous doit mourir pour son salut et celui des autres avec le sien. Nous allons tirer au sort. Celui qu'il désignera sera illustre et nous, nous serons tous riches. Attendez, je sais ce que je dis. Voici l'idée. Durant les 3 mois qui vont suivre, celui qui va mourir doit peindre avec fureur, multiplier ses toiles, non pas des toiles achevées, mais des esquisses, des morceaux d'esquisses, des fragments d'esquisses, 12 coups de pinceau sur chaque, sans se préoccuper de l'idée, cela va sans dire, mais avec sa signature sur chacune de ses improvisations, 50 par jour, chacune portant une trace de sa manière facilement reconnaissable. Voilà les œuvres qui se vendent, et que tous les musées du monde se disputent à des prix fabuleux. Nous en aurons ainsi 1 tonne, 1 toute prête. Pendant ce temps-là, nous autres, nous ferons ce qu'il faudra pour aider le moribond. Nous travaillerons Paris et les marchands de tableaux en vue du futur événement et quand toutes choses nous sembleront à point, nous répandrons partout le bruit du décès du grand peintre et nous lui ferons de pompeuses funérailles. Me comprenez-vous maintenant ? Non, au moins pas tout à fait. Pas tout à fait, sans doute. Mais c'est qu'il faut que j'ajoute que le décès ne sera pas véritable. Le mort changera de nom et disparaîtra. Nous pleurons sur lui avec tout le monde et... Il ne put achever. Il s'éleva une formidable clameur d'approbation et nous tombâmes dans les bras les uns des autres avec des cris de joie et de remerciement. Pendant des heures, nous nous entretâmes de ce plan grandiose sans même sentir la fin. Enfin, quand tous les détails en eurent été arrêtés à notre satisfaction, nous tirâmes au sort et ce fut Millet qui fut désigné. Alors nous réunîmes toutes les reliques artistiques qui nous restaient et nous allâmes les engager pour une somme qui nous permit de faire un frugal souper et notre dernier déjeuner, de garder quelques francs pour notre voyage et de munir Millet d'une provision pour quelques jours de rares et autres mets semblables. Le jour suivant, nous partîmes tous trois, à pied, bien entendu. Chacun de nous emportait une douzaine de croquis de Millet pour les vendre. Karl prit le chemin de Paris pour commencer à établir la réputation de Millet avant la grande nouvelle. Claude et moi, nous nous séparâmes pour aller errer dans tous les coins de la France. Vous allez être surpris d'apprendre comment tout se passa aisément et agréablement. Je marchais deux jours avant de commencer les affaires, puis je m'installai dans un faubourg d'une grande ville et me mis à croquer une villa que j'avais devant moi. J'avais vu le propriétaire sur le balcon. Il descendit pour voir ce que je faisais. J'étais sûr qu'il viendrait. Je peignais fiévreusement pour tenir en éveil son intérêt. Puis je déposai mon pinceau, cherchai dans ma sacoche, en tirai un millet, et lui faisant voir la signature dans un coin, je lui dis fièrement « Je suppose que vous connaissez ceci. » « Eh bien, c'est la signature de l'homme qui m'a enseigné mon métier. » L'autre baissait la tête comme un coupable et restait silencieux. Je repris avec un air de compassion. « Vous ne voulez pas me faire entendre que vous ne connaissez pas la signature de François Millet ?» Assurément, il ne la connaissait pas. Mais je n'ai jamais trouvé un homme plus reconnaissant d'avoir été si aisément tiré d'embarras. Il me répondit aussitôt « Mais oui, c'est la signature de Millet. Je ne sais pas où j'avais la tête. Je la reconnais bien maintenant. » Finalement, il me demanda d'acheter l'esquisse, mais je l'assurai que, bien que n'étant pas riche, je n'étais pas non plus si pauvre. Bref, je lui laissai l'objet pour 800 francs. 800 francs ? Oui, et Millet l'aurait cédé pour une côtelette de porc frais. Et j'ai eu 800 francs de ce petit morceau. Je voudrais maintenant pouvoir le racheter pour 8000, mais ce temps-là est passé. Je fis une très jolie peinture de la maison de mon nouveau client, et je la lui aurais bien laissée pour 10 francs. Mais c'est un prix qui n'aurait pas été digne de l'élève d'un tel maître. Je lui en demandai 100 francs. J'envoyai immédiatement les 800 francs à Millet et je me mis de nouveau en route. Mais je ne voyageais pas. Je me promenais. Je ne vendais qu'un tableau chaque jour sans jamais tenter d'en vendre deux. Je disais invariablement à mon client « C'est une folie de ma part de vendre un Millet, car le pauvre homme n'a pas 3 mois à vivre et, après sa mort, ses toiles se vendront au poids de l'or. » Je prenais soin de répandre ce bruit aussi loin que je pouvais, préparant ainsi le monde à ce qui allait arriver. Je me fais gloire d'avoir trouvé ce plan pour la vente des peintures. Ce fut bien le mien. Je le suggérai le dernier soir où nous arrêtions notre campagne et nous convînmes tous les trois de faire un premier essai bien clair, avant de nous lancer dans l'entreprise. Nous y réussîmes tous. Moi et Claude, nous commençâmes à marcher pendant 2 jours afin de ne pas répandre la célébrité de Millet trop près de lui. Quant à Karl, ce profond scélérat, il se contenta d'une demi-journée et ensuite il voyagea comme un prince. Partout, nous nous mîmes en rapport avec le journal du pays et fîmes circuler un avis ne disant pas qu'un grand peintre venait d'être découvert, mais parlant de Millet comme si tout le monde devait le connaître, sans le louer d'aucune façon, et simplement pour faire savoir l'état présent de la santé du maître, qui tantôt donnait de l'espoir, tantôt semblait désespéré, mais qui toujours faisait craindre le pire. Nous marquions ce passage et envoyons la feuille à tous ceux qui nous avaient acheté des tableaux. Karl fut bientôt à Paris et dirigea l'affaire haut la main. Il lia amitié avec les correspondants de la presse et fit qu'on parlât de la santé de Millet en Angleterre, sur tout le continent, en Amérique et dans le monde entier. 6 semaines après notre départ, nous nous rencontrâmes tous les trois à Paris et fîmes une halte en avertissant Millet de nous envoyer de nouvelles toiles. Le bruit qu'il faisait fut tel et toutes choses nous parurent si mûres que nous jugeâmes que ce serait une faute d'attendre plus longtemps pour frapper le grand coup. Nous écrivîmes donc à Millet de se mettre au lit, et de dépérir le plus promptement possible, parce que nous désirions qu'il fût mort dans les 10 jours si cela était possible. Alors nous fîmes nos comptes et nous trouvâmes qu'à nous trois nous avions vendu 85 petites peintures et études, et que nous en avions retiré 69 000 francs. C'était Karl qui avait fait la dernière vente et la plus brillante de toutes. Il avait vendu l'Angelus de 1 200 francs. Nous ne nous doutions pas qu'un jour viendrait où la France et l'étranger se disputeraient l'œuvre pour plus d'un 500 000 de francs. Ce soir-là, nous fîmes un joyeux souper au champagne et le jour suivant, Claude et moi nous bouclâmes nos valises pour les soigner Millet pendant ses derniers moments, éloigner les officieux de chez lui et envoyer chaque jour à Karl des bulletins de santé qu'il devait publier dans tous les continents pour informer le monde anxieux. Enfin, le fatal événement se produisit et Karl nous rejoignit à temps pour nous aider dans l'accomplissement de notre dernière et lugubre tâche. Vous vous rappelez ces solennelles funérailles, quelle émotion elles soulevèrent dans l'univers entier, et comment les illustrations des deux mondes vinrent pour y prendre part et y marquer leur douleur. Toujours inséparables, tous les quatre nous portâmes le cercueil et ne permîmes à personne de nous aider, non sans raison, car la bière ne contenait qu'une figure de cire, et les porteurs ordinaires l'auraient trouvée certainement trop légère. Oui, nous, tous les quatre, qui, tendrement unis, avions partagé les privations de ces heures de misère, aujourd'hui disparu pour jamais, nous portâmes. Comment tous les quatre? Oui, Millet nous aidait à porter son propre cercueil. Prodigieux. Mais la vérité même, cependant. Vous vous rappelez maintenant ce qu'il en fut de ces tableaux? De l'argent? Nous en avions tant que nous ne sachions qu'en faire. Il y a un homme à Paris qui possède 70 toiles de Millet. Il nous les a payées 2 millions. Quant aux boisseaux d'esquisses et d'études que Millet amassait à l'appel pendant les 6 semaines où nous étions en route, vous seriez étonné si je vous disais à quel prix nous les vendons aujourd'hui, et encore, quand nous consentons à nous en défaire. C'est une merveilleuse histoire, assurément, sans doute. Mais que devint Millet? Êtes-vous capable de garder un secret, comme le tombeau? Vous rappelez-vous cet homme sur lequel j'ai appelé votre attention ce matin dans la salle à manger? C'était François Millet. L'illustre? Oui. Pour une fois, on n'a pas laissé mourir de faim un génie et mis dans la poche d'autrui le prix de travaux qui étaient les siens. L'oiseau chanteur n'a pas fait entendre une voix qu'on n'écoutait pas pour n'en être payé ensuite que par la froide pompe de ses funérailles. Nous y avons mis bon ordre. Ainsi s'achève, mort ou vivant, par Mark Twain.